So I'll drive 10,000 miles until the dead of night, till I run out of love for you, baby, till I got no more love for you, baby. I'll drive 10,000 miles until the endless sky, till I run out. Baby,

amigo mío, da. Vos amiga mío, da. Que amiga mío, da. Vos amiga mío, da. Que amigo mío, da. Vos amiga mío, da. Que amiga mío, da. to get closer. This is my issue with you, that I like the way you